De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL, toujours au 89.1 bien sûr. Alors voici deux petites nouvelles de l'actualité scientifique. L'une à propos végétale de la planète. Alors on va commencer avec l'urine. D'emblée, on a tendance à penser qu'il ne faut pas uriner dans l'eau d'une piscine pour des raisons d'hygiène. Mais François va nous expliquer qu'il y a une raison plus importante. Je suis intriguée, François. Oui, Valérie. Alors la première raison, en fait, qui nous vient à l'esprit est celle de l'hygiène. La plupart des gens seraient dégoûtés d'apprendre qu'ils se baignent dans une piscine dans laquelle quelqu'un aurait uriné. Hein? Bon, alors, le dégoût pour l'urine provient de son odeur répugnante qui peut aussi s'accentuer, en fait, selon ce que l'on mange. C'est vrai. Mais les gens craignent aussi que l'urine contienne des agents pathogènes. Pourtant, comme le disait Jean-Daniel Doucet la semaine dernière dans une chronique sur l'urinothérapie, l'urine des personnes est stérile. Donc, à moins d'être atteint d'une infection de la vessie ou des voies urinaires, uriner dans l'eau de la piscine ne pose pas un grand risque microbiologique pour les autres. Donc, à ce moment-là, à part le dégoût qu'ont les gens pour cette substance, bon, qui est un déchet de l'organisme finalement, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas uriner dans l'eau de la piscine? Ben, selon une étude parue dans la revue Environmental Science and Technology, un des composants de l'urine, l'acide urique, engendrerait la formation de deux substances toxiques en réagissant avec les désinfectants chlorés. Ah, alors, okay. On parle de ces substances qui sont toxiques, on parle de la trichloramine, dont la formule chimique est NCl3, et le chlorure de cyanogène, CNCl. Donc, ce sont toutes deux petites molécules, mais très toxiques. Des chercheurs de l'Université agricole de Chine et de l'Université Purdue ont mélangé du chlore avec de l'acide urique, une substance que l'on retrouve dans la sueur et dans l'urine humaine, mais qui est 9 fois plus abondante dans l'urine que dans la sueur. Alors ainsi, une petite heure plus tard, ils ont observé la présence de ces deux substances reconnues pour leur toxicité. Par contre, les chercheurs pensent que l'acide urique ne peut expliquer à lui seul les concentrations observées de ces deux substances dans l'eau des piscines. Mm-hmm. D'autres composés contribueraient également à leur formation. Mm-hmm. D'accord. Donc à ce moment-là, le chlore, pourtant, on reconnaît son utilité. On ne pourrait pas cesser, on ne peut pas s'en passer. On est bien obligé de l'utiliser dans les piscines. C'est un fait. Écoute, son efficacité à empêcher la prolifération des microbes qui pourraient transmettre des maladies ne fait aucun doute. Et quelle que soit sa forme, ça. Alors par contre, d'après une étude menée en 2010 sur des cellules humaines, certains désinfectants à piscine à base de chlore pourraient être cancérigènes. Mm-hmm. Par contre, je sais pas si on a déjà évalué le risque microbiologique versus le risque oncologique. Ouais, ce serait intéressant, ça. Serait intéressant. Ça a peut-être déjà été fait, mais ça doit varier beaucoup aussi selon les désinfectants et la concentration. Mmh. Donc, on va en revenir à nos deux molécules toxiques. Donc, je crois que tu as dit le trichloramine et le chlorure de cyanogène. Exactement. Donc, quels sont ces effets que ces substances peuvent engendrer chez les personnes qui sont exposées? En quoi elles sont toxiques, finalement? La trichloramine causerait des problèmes pulmonaires aigus et le chlorure de cyanogène affecterait les poumons, le cœur et le système nerveux central après inhalation. Puis c'est ça qui est important de savoir, c'est que c'est par la respiration qu'on est exposé à ces substances-là. Ces substances sont formées dans l'eau et comme elles sont volatiles, elles se dégagent dans l'air ambiant au-dessus des piscines et c'est là qu'elles peuvent être inhalées. Ouais. Effectivement. Donc, qu'est-ce que les spécialistes recommandent pour remédier à cette situation? Parce que ça doit peut-être arriver quand même de temps en temps, des gens qui s'oublient. Oui, effectivement. Évidemment, ne pas uriner dans l'eau des piscines, c'est la consigne numéro un. Mm-hmm. Et de faire ses besoins aux toilettes pour éviter la formation de ces substances. D'ailleurs, un sondage réalisé en 2012 révèle qu'un Américain sur 5 a déjà fait pipi dans l'eau. Donc, c'est quand même pas mal plus qu'on pourrait peut-être le croire de prime abord. Ça dépend peut-être à quel âge aussi. Hein? Effectivement. Si c'est un adulte ou un jeune. Oui, effectivement. Et également, il serait important d'éviter les barboteuses où il y a beaucoup d'enfants. Bon, parce que c'est difficile, effectivement, d'empêcher les enfants d'uriner. Et ce qui est dommage pour eux, mais c'est quand même eux qui sont les plus vulnérables à cause de leur faible poids. Parce qu'ils sont tout petits. Là. Et puis, évidemment, on pourrait aussi privilégier les piscines extérieures en été plutôt que les piscines intérieures où, effectivement, l'air est quand même confiné. Oui, c'est ça, parce que ces molécules d'oxyde sont volatiles. Donc, en milieu extérieur, ça ne va pas rester au-dessus de l'eau. Non, c'est ça. Ça va être emporté par le vent. Alors que dans une piscine fermée, bien évidemment, ça reste... Ça va rester, ça. Ça va peut-être se concentrer au fur et à mesure qu'elles se produisent. Effectivement. Et toi, Valérie, tu vas nous parler du couvert végétal capital mondial. Oui, alors on va changer complètement de sujet. On va aller prendre l'air frais, tiens. On va... Oui, c'est ça. Donc, en fait, la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, a publié récemment une base de données sur le couvert végétal de toute la planète. Alors, par couvert végétal, on entend par exemple la forêt, les prairies naturelles, les terres en culture, les terres en pâturage, donc c'est toutes les différentes formes que la végétation peut prendre à la surface de la terre. Et chacun de ces couverts végétaux a son utilité, soit parce qu'ils nous nourrissent directement, comme les terres agricoles, ou indirectement, parce qu'on va chasser dans le bois puis ça nous nourrit, soit qu'ils fournissent du bois de construction ou qu'ils participent tout simplement à l'équilibre des écosystèmes. Alors, l'objectif de la base de données de la FAO, c'est de comprendre l'évolution de la couverture végétale, donc c'est-à-dire comment ces différents types de couverts végétaux évoluent et se transforment. Et pourquoi ils se transforment, en fait? Ben, en fait, ils se transforment sous l'action de l'humain, parce que, bon, parfois, on passe d'un type de couvert végétal à un autre. Donc, par exemple, des forêts sont transformées en terres agricoles. Ça s'est fait un peu partout dans le monde. Inversement, il arrive que la forêt reprenne ses droits sur des terres agricoles qui sont laissées en jachère longtemps. Donc, ça serait naturel, ce retour-là. Oui, c'est ça. Alors que le premier, c'est humain. L'action humaine. Oui, c'est ça. C'est une action forcée. C'est ça. D'autres fois, c'est une disparition complète du couvert végétal. Par exemple, quand on construit un barrage et qu'on inonde une forêt, on a un plan d'eau à la place de la forêt. Ou quand on étale la ville, donc à ce moment-là, la ville va manger les terres agricoles ou va manger la forêt. Puis des fois aussi, la végétation peut changer sous l'action des changements climatiques. Donc, quand le Sahel devient un désert stérile, ou alors parce que la végétation monte plus haut en montagne ou plus haut dans le nord. Donc, dans le nord, par exemple, la taïga peut s'étendre sur la toundra. Tout à fait. Est-ce que c'est le contraire? Non, c'est ça. Oui, je pense que oui, c'est ça. Donc, à la place des petites forêts, les petites forêts s'étendent sur les sols qui sont jusqu'à présent couverts de lichens. Et quel est l'objectif de la FAO avec cette base? Mais qu'est-ce qu'ils veulent en faire, en fait? Ouais, on se doute que la FAO s'intéresse à l'alimentation des populations partout sur la planète, et donc à la production agricole, et donc aux terres agricoles. Donc, pour assurer la production alimentaire, il faut une bonne gestion des terres agricoles. Donc, ça veut dire qu'il faut assurer la conservation de ces terres agricoles, et il faut veiller à leur productivité. Donc, la FAO estime que la production vivrière, la production agricole, devra augmenter de 60% d'ici 2050, parce que la population augmente. Et donc, ça se fera essentiellement sur des terres cultivées, on s'en doute. Donc, la FAO est intéressée à suivre de près à ce que deviennent ces terres agricoles. Effectivement. Et quel est le portrait global des terres végétales de la planète? Donc, la FAO a distingué 11 types de couverts végétaux. Donc là, ça va vraiment d'un extrême à l'autre. Ça va de sols complètement nus, donc ce ne sont pas vraiment des couverts végétaux finalement, jusqu'à la forêt, la forêt vierge, avec tous les intermédiaires possibles. Alors, en pourcentage de surface terrestre, donc pas en pourcentage de surface du globe, c'est différent, donc en pourcentage de surface terrestre, c'est la forêt qui domine, il y en a 28%. À l'extrême, des sols nus, donc des sols nus, ça peut être d'un désert de sable, ça peut être un désert de glace aussi, donc les sols nus comptent pour 15%. Je me suis trompée. Les sols nus comptent pour 15% et les sols couverts de neige et de glace pour 10%. Okay. Et pour ce qui est des terres qui intéressent la FAO, donc les terres qui produisent notre nourriture, il y a 13% de pâturage et 13% également de terres agricoles. Et puis, au milieu de tout ça, il y a aussi quelques pourcentages pour les mangroves, pour les végétations herbacées. Il y a des prairies naturelles. Pour la végétation clairsemée, il y a aussi des zones arbustives. Et puis, on compte aussi les plans d'eau. Il y a des algues là-dedans. Oui, c'est vrai. Donc, c'est tout un éventail de terres végétales. Alors, merci beaucoup, Valérie. On va faire une petite pause musicale sur CKRL 89.1. Et au retour, on file au Salon international du livre de Québec.